this. Judge, got this. Like on the left, si c'est pas fantastique. Ah mais ça, ça mérite que je vous l'inspire. Ah mais ça, si c'est pas merveilleux. Avec ses yeux de bonheur remplis de larmes de joie. Et vas-y, bonne année, bonne année. Bonne année, hein. Bonne année, bonne année. À vous. Thank you.